Je te porte le décor. Hiver comme été, trop de ménons apeurés, trop de sœurs apeurées, car trop de mères endettées, et de frères enfermés, prisonniers ou enterrés. On vient affirmer qu'il y a trop de pères infirmes à s'user la santé pour contrer la famine, pour payer un loyer. Je rappe une marque de respect. Trop de sœurs, trop tôt pour être mère. Sautent les préliminaires pour un enfant sans repère. Car trop de frères, trop jeunes pour être père. C'est par sans faire marche arrière, les chiens d'un prolifère. Trop d'argent dans les têtes et de sexe sur le net. Overdose de violence car ils font trop de différence. Trop d'armes dans les poches et de matos dans la caboche. Trop d'exades dénombrés et de guerre à déplorer. Car trop de profit et d'intérêt dans l'air à respirer. Car trop de profit et d'intérêt dans l'air à respirer. Les amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il fait froid, et nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris, sont étendus dans la neige sur le trottoir. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait... Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part, nous répondez. S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. Ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Nous sommes en guerre avec la misère. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec la misère. Avec la misère. Avec la misère. Avec la misère. Avec la misère.